di mwen fòm pati. Si ou le konèt la vi, pe y a tro piti isi. Pa ka epanwi, alò mwen koute sa yo di. Mwen ki te peyi mwen lontan, lontan, telman lontan bon diye. Ke mwen deja oubliye. Ki riches nou teni yadan, tout piti jaden nou an. Yele la, peyi a pa bien grand, mwen se li ki tout fas, mwen se li ki l'espoir nou toujou. Je di mwen ka malgré moi j'ai voyagé, visité tout pays. Y'a seul moi préféré, c'est pays moi, c'est la caille, c'est la moi. Éviré, parce pays a toujours dans chez moi. Pégué, pégué, très débrouillant. C'est lui, moi, mais toujours plus fort. C'est la moindre évirée. Parce que pays a toujours un tchèque, moi. Pégué, pégué, très débrouillant. C'est lui, moi, mais toujours plus fort. C'est la moindre. Dis-moi qu'à prier, ma vie moi j'ai voyagé, visité tout pays. Y'a seul moi préféré, c'est pays moi, c'est la gagne, c'est la moi. C'est la moindre.